du commun dit-on, des maths et des dictons, j'dicte. Et on s'aperçoit vite pourquoi je suis sur la ligne de mire. Mais cela mon or, garnir, c'est cela mon or, rapper, dire les choses. Notre génération des jeunes qui osent, finit d'être des putes en maison close. D'avoir la vie d'une rose qui pousse dans la merde, où c'est toujours les mêmes qui servent pour nous battre autour au Moyen-Âge. Non, pas question, pas moyen que je sois le sage. Sage, s'agit-il d'être conditionné? Si c'est cela, moi je viens sanctionner, mentionner tant de pionniers qu'on veut me baïonner. Émissaire de la rue, frère, j'emmerde le ministère. Avec un rap russe, je milite, je kiffe ma misère. Avec un spliff et du coulal, voilà le typique bouc émissaire. Celui qu'on tient dans le dos, avec des menottes, monsieur le commissaire. Donc, résume le trop de misère. De tous les routes, regarde le point levé, même s'il nous pousse à bout. Combat comme un marron pour les tiens, à force, t'encaisse les coups. C'est au fond qu'ils ont mené la bataille, même si pour toi c'était qu'un détail. Non, man, si tu te bats pour l'égalité, ta force est l'unité. De tous les routes, regarde le point levé, même s'il nous pousse à bout. Combat comme un marron pour les tiens, à force, t'encaisse les coups. C'est au fond qu'ils ont mené la bataille, même si pour toi c'était qu'un détail. Non, man, si tu te bats pour l'égalité, de laisse personne te dire qui tu es. Armageddon milite, on va faire parler la poudre, on crache la poudre. Avec l'ennemi, ça va en découdre. C'est l'honneur et couilles d'une nation que nous offre. Jesse Owen, quand son poing reste levé face à l'auteur de Mike. Plus leurs portes sont closes, les poètes écrivent pour une seule cause. Féminiaque, surtout quand ta vie est morose. Les meilleurs partent en premier, chaque vais y passer. Comme ces putains de militants, ma vérité vient blesser. Et je les entends dire, Gasper me l'a crié, celui-là. D'où il vient, où il crèche, faut qu'on le liquide, celui-là. Et moi, je suis là, là, le cœur à la dérive, ouais, j'ai mal. Mal dire que les miens ne sentent pas concernés par ce qui nous arrive. Combien, combien de temps sauver de vie gagnée? Si nous ne faisons qu'un comme Israël, mon rêve. Peut-être qu'un jour il sera réel si on se mettait à crier. Crie à Mandela, comme on l'a fait pour libérer Mandela. De tous les routes, regarde le point levé, même s'il nous pousse à bout. Combat comme un marron pour les tiens, à force t'encaisse les coups. C'est au fond qu'ils ont mené la bataille, même si pour toi c'était qu'un détail. Non, man, si tu te bats pour l'égalité, ta force est l'unité. De tous les routes, regarde le point levé, même s'il nous pousse à bout. Combat comme un marron pour les tiens, à force t'encaisse les coups. C'est au fond qu'ils ont mené la bataille, même si pour toi c'était qu'un détail. Non, man, si tu te bats pour l'égalité, de laisse personne te dire qui tu es. Ne panique pas, mon équipe est composée de soldats. Pas. Le 3 vit avec foi, avec loi, avec ja. Même si le diable veut nous faire danser, ici du MA3, je sais sur quel pied danser. Ministre terre, donc fini de se taire. Je refuse de me laisser porter par le système. Bordé par système, texte anathème. T'as là le dénominateur commun des militants que je draine. Que je draine. Je reviens après acide. Faut que l'alarme sonne, je suis dans la lignée des Kinte X-King ou encore Newton. Traite d'un culte à la peau sombre, alors je les fais taire. Et je reste un culte comme la ceinture de Joséphine Becker. Donne l'impression de vivre une dernière fois avant de mourir. On est à ta lanterne avec un grand sourire. Est-ce un combat de rue ou un combat dans une fosse perdue? Est-ce un combat pour une cause perdue? De tous les routes, regarde le point levé, même s'il nous pousse à bout. Combat comme un marron pour les tiens, à force t'encaisse les coups. C'est au fond qu'ils ont mené la bataille, même si pour toi c'était qu'un détail. Non, man, si tu te bats pour l'égalité, ta force est l'unité. De tous les routes, regarde le point levé, même s'il nous pousse à bout. Combat comme un marron pour les tiens, à force t'encaisse les coups. C'est au fond qu'ils ont mené la bataille, même si pour toi c'était qu'un détail. Non, man, si tu te bats pour l'égalité, de laisse personne te dire qui tu es. Les routes, regarde le point levé, même s'il nous pousse à bout. Combat comme un marron pour les tiens, à force t'encaisse les coups. C'est au fond qu'ils ont mené la bataille, même si pour toi c'était qu'un détail. Non, man, si tu te bats pour l'égalité, ta force est l'unité. De tous les routes, regarde le point levé, même s'il nous pousse à bout. Combat comme un marron pour les tiens, à force t'encaisse les coups. C'est au fond qu'ils ont mené la bataille, même si pour toi c'était qu'un détail. Non, man, si tu te bats pour l'égalité, de laisse personne te dire qui tu es. Qui tu es.